toi et moi. On vous revient de moi, partout je veux pas aller. En prison, à l'usine ou encore à l'armée. Hey! Je marche dans la nuit, je marche dans le vent. Les lumières de la ville brillent dès le firmament. Le temps n'existe plus, plus qu'un compte à rebours. Qui prend là tous les miens et puis me prend là à mon tour. Je ne peux pas prétendre avoir été parfait, mais je ne regrette rien de tout ce que j'ai fait. Et quel est donc celui qui l'a devant mes yeux, osera prétendre qu'à ma place il aurait pu faire mieux. Hey! Les éclairs vides, chaque de mes pas. Je marche loin devant et je regarde au loin. Je dresse la cadence et je serre les poings. J'ignore ce qui m'attend, ce qu'il en sera de moi. Un avenir incertain qui glisse entre mes doigts. Et pourtant je le crains, ni maintenant ni plus tard. Et tout au fond de moi, je conserve l'espoir. Hey! Je n'irai pas à Valcartier, encore moins à Partenay. J'irai là où ma route voudra bien me mener. Je marcherai encore sans jamais m'arrêter. Chacun trace sa route, chacun fait son chemin. Je n'ai besoin de personne pour me montrer le mien. Je suis un homme libre, je refuse les chaînes. Je suis mon propre maître, mon propre capitaine. Hey! Écoute Sky Punka avec les camarades B. Puis aujourd'hui, c'est un spécial Irish Folk Punk en l'honneur de la Sainte-Pat. Car on est le 17 mars, donc aujourd'hui, émission entièrement dédiée au folk punk. C'était Corrigan Fest avec Je Marche, pièce d'introduction de leur album La Victoire en Chantant qui est sorti en 2007. Bon. Donc aujourd'hui, on boit de la bière noire, on boit du bon Irish whiskey. Bref, on ne parle que de bonnes choses qui est en lien avec la Sainte-Pat. Alors, on va commencer avec Blood or Whiskey et la pièce No Answers. Ensuite, nous aurons The Mahones avec Drunken Lazy Bastard. Et nous allons terminer ce premier bloc de la soirée avec Flogging Molly et Selfish Man. Puis, à part de ça aussi, je devrais vous dire que à la fin de l'émission, lors des 20 dernières minutes environ, nous aurons une entrevue avec Yann Barnick qui va vous parler de son nouveau projet des Barnick avec l'album acoustique, qui est un album folk. Donc c'est pour ça que j'ai plugué ça justement avec le spécial Irish Folk Punk. Puis en même temps, je vais vous faire découvrir trois pièces qui se retrouvent justement sur leur album au Barnick qui s'appelle Acoustique. Mais d'ici là, on y va avec toutes les bonnes choses que je viens de vous dire. Et ça commence avec Blood or Whiskey et la pièce No Answers. Tout ça uniquement à Sky Punk, la seule et unique émission à vous faire jouer du folk punk en Mauricie.

care. Propel for all this madness. We got beauty and much sadness. We'll never change or rearrange. We'll finish what I started. And life leads me here. It showed me I have never really loved no one but me. Like the time you slipped through my hand. And I'll never understand why I'm such a selfish man. Yeah, Flogging Molly avec Selfish Man, extrait de leur album Swaggers. Juste avant ça, tout d'abord, on avait eu Blood or Whiskey avec la pièce No Answers, pièce extrait de leur album Cash Out on Culture. On va entendre d'autres pièces de Blood or Whiskey plus tard. Toujours est-il que l'album Cash Out on Culture a été leur album, je vous dirais, le plus punk qu'ils ont fait. C'était bien sûr suite au départ de certains membres qui aimaient plus le côté plus folk. Bon, je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé avec ce groupe-là, pourquoi il y en a qui sont partis. Bon, toujours est-il que moi j'aimais personnellement, ça c'est mon côté personnel, je trouvais que le vieux Blood or Whiskey était meilleur parce qu'on dirait que, je sais pas, c'était plus proche du vieux folk crass, là. Et c'est ça. Et puis, après ça, on avait eu The Mahones avec la pièce Drunkenly's Bastard. The Mahones, si jamais vous n'avez pas eu encore la chance de voir ça au cours de votre vie, allez les voir. C'est un genre de groupe folk punk canadien qui run depuis peut-être pas 20 ans, mais pas loin de là. Ils sont pas super gros connus, mais tout comme The Tossers qui viennent de Chicago, tu sais, ils aiment ça eux autres d'aller dans les petits bars pas trop connus parce que justement, c'est leur passe-temps, eux autres, faire de la musique. Et puis, je vous dirais que c'est vraiment un groupe d'excellente qualité. Puis, pour les avoir vus une fois en spectacle, là, j'ai trouvé ça super bon. Maintenant, on va continuer avec un autre groupe qui nous vient du Québec, Zephyr Artillery. Un autre bon groupe, parce que si jamais vous ne l'avez pas vu en spectacle, arrangez-vous pour le voir. Eux autres, ils se promènent toujours entre Québec et Montréal. Puis, ce soir, ils sont où? J'en ai aucune idée, mais si vous voyez sur un flyers, sur un poteau de métal, écrit Zephyr Artillery ce soir à quelque part, allez le voir. Ça vaut vraiment la peine de voir Zephyr Artillery, c'est très bon. On va entendre leur pièce, Les Draveurs de la Gatineau. Ensuite, nous aurons The Pogue, parce que sans The Pogue, le folk punk n'existerait peut-être pas, parce que c'est vraiment eux autres qui ont été les précurseurs du folk punk à la fin des années 70 et au début des années 80, avec leur légendaire alcoolique chanteur Shane McGovern. Puis, il a peut-être plus ses dents dans la bouche, ce gars-là, ou presque plus. Mais, c'est comme, sans de pogue, de folk punk. Écoutez, je pense qu'on n'aurait jamais même peut-être parlé de Flogging Molly et de Dropkick Murphys, vu que ça a été comme le groupe qui a presque créé ce style-là. Sinon, je connais pas des groupes qui ont mélangé le folk et le punk en même temps. Donc, après The Pogue, nous aurons The Tossers avec une de leurs très bonnes compositions qui s'appelle The Ballad of the Tuffle Rover. Donc, allons-y sans plus tarder avec Zephyr Artillery et la pièce Les Drovers de la Gatineau à Sky Punka sur les ondes de C'est Fou, le réseau campus de Trois-Rivières. Puis, je souhaiterais un bon drink à tous les Irlandais qui m'écoutent. Yeah, vive la bière! Let's sit and watch the junkies and drunks, the pimps, the whores. Five at Claymore, and it's lunch meat and pounds. I'll buy you a drink, and mother wake me early in the morning. Lend me £10, I'll buy you a drink, and mother wake me early in the morning. The boys in the yard drunk and looking for you. We'll eat your friggin' entrails and we won't give a damn. Me daddy was a blue shirt and my mother a madame. My brother earned his medals at my lay in Vietnam. And it's lend me £10, I'll buy you a drink, and mother wake me early in the morning. First day of March, it was raining. It was raining worse than anything that I had ever seen. Stay on the other side of the road, cause you can never tell. We're a thrust like a gang of devils, we're the voice of county hell. And it's lend me £10, so buy you a drink, and mother wake me early in the morning. And it's lend me £10, so buy you a drink, and mother wake me early in the morning. Well, although I've laboured most of my days, I truly enjoy the work. But not too much, I really must say. On my roving, I won't shirk. On my roving, I won't shirk. bière, c'est tout dans vos oreilles. Alors, sous cette ère de Detossers, vous écoutez toujours Sky Punka sur les ondes de C'est Fou, les radios campus de Trois-Rivières. Et aujourd'hui, on met de côté le punk, le ska, le oi et le psychobilly pour ces concerts, pour se concentrer uniquement sur le folk punk. Car aujourd'hui, on est la journée de la Sainte-Pat. Je sais pas si c'est déjà arrivé que mon émission tombait pile la journée de la Sainte-Pat, mais je crois que j'ai pas sauté une année sans faire un spécial folk punk justement pour la Sainte-Pat. À l'honneur de mon grand-papa qui était irlandais. Et puis, donc, juste avant le bloc, on a eu Zephyr Artillery avec les Draveurs de la Gatineau. Après ça, on a vu The Pogues avec Boys from the County Hell. Et après ça, on a vu The Tossers avec The Ballad of the Tuffle Rover. Maintenant, nous allons continuer avec Rum Runner et la chanson Love Lovery Counterfeel, extrait de leur plus récent album qui porte le nom de What Music Means to You. Après ça, nous aurons The Dreadnoughts, un groupe qui donne plus dans la polka que dans l'Irish folk, mais ça reste du folk, donc ça va ensemble. Avec la chanson Polka Never Die, extrait de leur plus récent album Polka's Not Dead, qui est sorti cette année sur Stomp Record. Très bon album folk, soit dit en passant. Il y a même une toune sur la poutine en plus. Puis après ça, nous allons continuer avec The Stanfield. Ça, c'est un groupe qui nous vient de la Nouvelle-Écosse avec la meilleure pièce de leur plus récent album. Plus récent album qui s'appelle Vanguard of the Youth and Reckless, avec la chanson, en tout cas, ma chanson préférée de ce groupe-là, The Dirty Drunk in the History of Liquor. Et par la suite, nous allons terminer ce prochain bloc avec une très bonne formation de Boston, c'est-à-dire Street Dogs et la pièce Bobby Powers, extrait de leur plus récent album, qui est un album éponyme et qui est sorti cette année. Ouais, plutôt à la fin de 2010, c'est-à-dire. Mais on était quand même assez proche de 2011 quand l'album de Street Dogs a sorti. Alors, allons-y sans plus tarder avec Rum Runner et la pièce Love Lovery Counterfeel. Tout ça uniquement à Sky Punka dans ce spécial folk punk pour la Sainte-Pat et tous les bons buveurs de bière. There's no sentiment at 20 and the road ain't for the meek. Drink buckets in Chicago for a trip down in L.A. She should have left her secrets in the east. From the moment she took showers in L.A. It's speakeasies, the cast rooms, rewards and fall like rain. Up to dirty heads and little out of a sordid life of crime. You kill you if you cross it for a dime. She wasn't worth the time. Her legs went on for miles. She couldn't execute her line. Ballooning toes, Gene Brooks and Seymour Simon for his films. RKO wouldn't even cast her for that time. Her resourcefulness would save her. She'd still see her name in lines. She crashed the silver screen through a campaigning in the night. The vendors of the Mongols, well, they learned where her legs ended. They denoted her as Star Girl, right? From the moment she threw shadows in L.A. It's speakeasies and cast rooms and wards will fall like rain. Of the dirty hands and love ahead of a sordid life of crime. He'd kill you if you cross him for a dime. Past is calling, past is calling, past is calling her again. Of the Nino Morano, of the secret with stars. So you picked up a guitar, and how the people gave the attention that you crave. Tonight the stage is yours, but the world has watched you rise and fall a thousand times before. Polka never dies. Hey! So when your face is gone, all the dance will carry on, and you'll rot down in your grave with the souls you couldn't save. Stage was yours, how they loved your moans and sighs. The dog, the reaper loved you more. Oh God, never dies. Oh. To the Main Street Legion Hall, look into my crystal ball. Emo scream of poker never dies. Last call dance hall, poker never dies. You'll be the first against the wall, and poker never dies. You are the first against the wall, and poker never dies. A fella back in 1998, wasn't real bright, but he had a lot of nerve. Drank like a fish, and he had a special place in the bottom of the learning curve. He had 10 bills when he left his parents' house, frothing at the mouth, shooting from the hip. He'd give her for a week and recover for a day, kind of change with a busted lip. From the dirtiest drunk, dirtiest drunk, dirtiest drunk in the history of liquor. Dirtiest drunk, dirtiest drunk, dirtiest drunk in the history of liquor. To buy some cream, to settle all the itching when the sun don't shine. Looked like a 50-pound sack of potatoes, all hung over in the food bank line. The dirtiest drunk, dirtiest drunk, dirtiest drunk in the history of liquor. Dirtiest drunk, dirtiest drunk, dirtiest drunk in the history of liquor. sun came up. You put your 40 years in, but it wasn't quite enough. You put a couple bucks down when you got a hunch, and I never heard you complaining all that much. It hits me in the spring of every year. I think about you and I wonder where. Your life has taken you, are you still here? I thought you were too dumb, but now they become clear to me. Never seen that much, but it must have been enough. You had some kids and lots of bills, you had to be real tough. But I never heard you talking about your love too much. It hits me in the spring of every year. I think about you and I wonder where. Your life has taken you, are you still here? I thought you went through some, but now they become clear to me. Did you always speak the truth? Did you always speak the truth? Did you always speak the truth? Did you always speak the truth? To me! Now I'm grown up, I got a family of my own. I go to work each morning and I chip away the stone. And sometimes when it's dark and I'm feeling all alone, I think about the way you work your fingers to the bone. It hits me in the spring of every year. I think about you and I wonder where. Your life has taken you, are you still here? I thought you were too dumb, but now they become clear to me. Did you always speak the truth? Did you always speak the truth? Did you always speak the truth? Did you always speak the truth? To say, wish that I learned the truth someday. All you meant to say, wish that I learned the truth someday. All you meant to say, wish that I learned the truth someday. All you meant to say, wish that I learned the truth someday. Yeah, alors c'était Street Dogs avec leur chanson qui s'appelle Bobby Power. Street Dogs qui ont vraiment sorti un très très bon album à la fin de 2010 qui, c'est sûr qu'il est quand même plus dans le punk, puis il faut dire qu'ils ont vraiment renoué avec leurs vieilles racines sans mettre de côté leur côté folk. Et puis donc c'est ça, donc l'album éponyme de Street Dogs, si jamais vous ne l'avez pas puis que vous le voyez en magasin, vous vous posez la question s'il est bon ou pas, je vous conseille de l'acheter, il est vraiment très bon. Donc c'est vraiment un très bon album. Mais c'est vrai, juste avant ça on avait eu quoi? On avait eu Rum Runner avec Love Lovery Counterfeit, ensuite The Dreadnoughts avec Polka Never Dies. Puis par la suite, on avait eu The Stenfields avec The Dirty Drunk in the History of Liquor. Maintenant, nous allons continuer avec la formation allemande The Porters. Et oui, parce que il existe un groupe Oi en Allemagne qui s'appelle Four Per Mile. Ils ont un side project qui s'appelle The Porters. Et c'est pour ça que nous allons entendre leur pièce Irish Soldiers. Irish Soldiers Ladies. Ou plutôt ladies, parce qu'en irlandais, quand tu prononces ladies, tu mets deux D, donc ça devient ladies. Ladies devient ladies. Et ça, c'est extrait de leur album A Tribute to Arthur Guinness. Puis, par la suite, nous allons avoir Dropkick Murphys avec une de leurs anciennes pièces, la chanson Worker Song, extrait de leur album Blackout. Je sais bien que Dropkick Murphys ont sorti un nouvel album au début du mois de mars, mais je vais vous faire jouer plus tard au cours de l'émission, justement, une de leurs nouvelles compositions, ou plutôt interprétation d'une bonne vieille pièce irlandaise. Mais pour l'instant, on va entendre leur pièce Worker Song. Et ensuite, au début de l'émission, je vous avais parlé de Blood or Whiskey. Puis je vous avais dit que le vieux Blood or Whiskey était, selon moi, meilleur que ce qu'on fait plus récemment, même si ça commence à dater un petit peu. Donc, on va entendre leur chanson Frank, qui est extrait, en tout cas, du plus ancien album que j'ai d'eux autres, en version CD, parce que j'en ai aussi, c'est vrai, en version MP3, je le dirais pas trop fort. Donc, on va entendre la chanson Frank, qui est extrait de leur album No Time to Explain. Puis, en tout cas, album qui était, qui était sorti sur l'étiquette Iron Record, Irlande, Iron, en irlandais. Donc, c'est ça. Alors, on y va sans plus tarder avec Blood or Whiskey et la chanson. Plutôt, on y va avec The Porters et on va terminer le bloc avec Blood or Whiskey. Ouais. Go, musique. Was a morning in July, I was walking to Tipperary, when I heard a bell cry from the mountains over. J'aimerais dédier cette chanson à toutes les filles qui ont du sang irlandais, ou tout du moins celtique, comme ma jolie Nancy. He looked at me right fearlessly and said, will you stand in the band like a true Irishman, then go fight the forces of the crown? Will you march with O'Neill to an Irish battlefield? For tonight we're gonna free old Wexford town. 'Twas a morning in July, I was walking to Tipperary, when I heard a battle cry from the mountain overhead. As I looked up in the sky, I saw an Irish soldier lady. He looked at me right fearlessly and said, will you stand in the band like a true Irishman, when you fight the forces on the crown? Will you march with O'Neill to an Irish battlefield? For tonight we got a free old Wexford town. Said I to this soldier lad, won't you take me to your chap? It would be my pride and joy for to march with you today. As we march back from the field in the shadow of the evening, with our banners hanging low in the memory of the dead. Well, we came unto our home, but without my soldier laddie. But still I hear these fearless words he said, will you stand in the band like a true Irishman, when you'll fight the forces of the crown? Will you march with O'Neill to an Irish battlefield? For tonight we gotta free old Wexford town. And counting your days. Respect is war. Who's given a gun and then pushed to the fore and expected to die for the land of our birth? Though we've never owned one lousy handful of earth. We're the first ones to starve. We're the first ones to die. The first ones in line for that pie in the sky. And we're always the last when the cram is shit out. For the worker is working when the fat has a bow. To die, the first ones in line for that pie in the sky, and we're always the last when the cram is shed out. For the worker is working when the fat cats above. We're the first ones to starve. We're the first ones to die. The first ones in line for that pie in the sky, and we're always the last when the cram is shed. Alors, vous écoutez toujours Sky Punk sur les ondes de C'est Fou, la radio campus de Trois-Rivières avec le camarade B en ce spécial de la Saint-Patrick, car on peut pas oublier le 17 mars, c'est vraiment une date inoubliable dans l'année. Lors de cette date-là, j'ai un blanc de mémoire. Lors de cette date-là, on peut pas ne pas faire un spécial folk punk, surtout que il y a du stock en crime dans le folk punk depuis les années 90. Bon, alors juste avant le bloc de publicité, on a eu The Porters avec leur version de la pièce. En fait, c'est une pièce traditionnelle. La chanson Irish Soldier Ladies, qui dit en fin de compte qu'une vraie femme qui est capable de se battre peut rejoindre les rangs de l'IRA pour lancer des bombes sur les méchants Anglais qui occupent l'Irlande. Bien sûr, il faut replacer la chanson dans son contexte dans les années 60 et 70, à l'époque où laquelle l'IRA était en guerre face, bien sûr, à l'Angleterre qui occupait l'Irlande du Nord. Donc, il faut replacer les choses dans son contexte quand même. Parce que maintenant, c'est sûr que ça a beaucoup changé. C'est rendu assez tranquille maintenant. Par la suite, qu'est-ce qu'on a eu? Eh bien, on avait eu Dropkick Murphys avec Worker Song. Puis justement, qui disait que les travailleurs, c'est tous eux autres qui font dans la vie. Malheureusement, les capitalistes les respectent pas et puis ils les exploitent à fond. Ça me fait penser au chômage, là. Faites attention à ça. Eux autres ici sont assez rats. J'arrête et je n'en parle plus parce que je pourrais déborder du sujet assez facilement. Puis après ça, on a eu Blood and Whiskey avec la chanson Frank. Puis j'espère que vous avez bien remarqué qu'il y avait une différence entre le vieux Blood and Whiskey et la plus récente version de Blood and Whiskey qui était pas mal plus punk que folk. Mais c'était pas juste folk avant, il y avait un bon petit côté folk crotté que j'aimais bien. Bon, parlant de folk, on continue en folk avec The Tossers et deux de leurs pièces qui sont extraites de leur plus récent album live. Donc, on va entendre leur pièce T-Hands qui s'enchaîne avec la chanson Altercation. Puis après ça, nous allons voir Greenland Wallfishers avec la chanson Mary B. Après ça, là... S'il y a des métals, là, qui sont en train d'écouter Sky Punk, ça, c'est une tune pour les métals. Fin Troll. Parce que je sais qu'il y a bien les métals qui aiment Fin Troll. Donc, on va entendre une des pièces folk, en fin de compte, ma meilleure pièce de Fin Troll. Je vais sûrement avoir de la difficulté à prononcer le titre, par contre, parce que Fin Troll, écoutez... Tu sais, c'est des Scandinaves, hein, puis ils chantent en Scandinave. Et c'est toujours difficile de prononcer leurs pièces. Alors, ça ressemble à ça. Forvin du Stormlizer. On va dire que c'est ça. Puis après ça, question de fitter justement avec une toune de Fin Troll. On va avoir les Bâtards du Nord avec la chanson Réel de la Blanche. Qui est à la fois, je dirais, c'est en langage ancien. Bref, tu lèves ta bière et tu dis « Yeah !» Puis c'est ça. Alors allons-y sans plus tarder avec The Tossers et la pièce « T-Hands » qui va s'enchaîner avec « Altercation » et toutes les autres choses que je viens tout juste de vous annoncer. Seulement à Skypunka, la seule et unique station va vous faire passer un spécial Irish Folk Punk sur les ondes de C'est Fou. Yes, on y va! Now this one is for a select few of you who have hung out with me at my favorite bar. And y'all know who you are because you took a fucking bus up here to see me. Us, which is totally amazing to me. And I hope they don't close the fucking place down. This is called T-Hands. To wonder where my dad was at night, when him and Ma would start to fight. Well, he tried to drink each and every beer that 95th Street had so near, and he would prowl around the south side at night. Well, of all the places here that I've been, or anywhere around I've wandered in, or the tombs of gingers drunk as hell, or even the flower ciders as well, there's always one place that keeps me in. Well, you're always welcome to me any time of year. You're always welcome to me, and I wish you were here. And the strongest of the brightest of the world, and greatest in the black out of the door. And suing Eileen again, the garden's on us, I swear, Linda Scotch and Lash, you're a fool. Well, I'm resident philosopher is sounding of its two inclines of gold. I've a winner done no fucking ways. Back to the west side where I stay in a third of clock. Cars are never closed, and it's always welcome to me. Well, any time of the year, and it's always welcome to me. And I wish you I'm sorry. check you, cause that's our fucking job. But that's the deal with people, so shake and come in our stores. Get on your job, don't be ashamed, serving for the crew. Stop playing cops and robbers, bring us life, yes! I said fuck the police. I said fuck the police. Les bâtards du Nord avec Réel de la Blanche. C'est une chanson qu'on dirait qui est en vraiment très très vieux français et qui est extrait du premier album des bâtards du Nord qui s'intitule Le fer, la mer et la bière. Quelle bonne chose pour souligner la Sainte-Pâte. Juste avant ça, on avait eu des Tossers avec la double chanson. Parce que dans le fond, vu que c'est en live, ils ont comme collé tous les deux. La pièce T-Hands ainsi que Altercation. Ensuite, on avait eu quoi? On avait eu The Greenland Wallfishers avec la chanson Mary B. Puis après ça, pour les Metal, on a vu la pièce de Finn Troll qui est vraiment on pourrait quasiment dire qu'il est quasiment rendu une légende du folk metal. En tout cas, scandinave, là, je sais pas trop c'est de quel des trois, des quatre pays scandinaves qui viennent, Finn Troll. Toujours est-il que leur pièce était une pièce assez dure à prononcer, qui ressemble à Forvin Dursom Leaser. Ouais. Si on écoute la chanson, on comprend à peu près c'est quoi le titre de la chanson. Donc, maintenant, on s'en va tout de suite en musique avec Flogging Molly, la pièce de Rare Old Time, pièce qui est extraite de leur meilleur album, tant qu'à moi, qui s'appelle Drunken Lullaby. Ensuite, nous allons avoir la formation Perkel, qui a sorti un nouvel album cette année. En fait, ils l'ont sorti à la fin 2010, c'était quasiment dans les débuts 2011, donc Perkel, qui est une autre légende, je vous dirais, du Oi. Du Oi suédois, car en Suède, autant dans le Oi que dans le punk, il y a vraiment des bonnes choses qui se passent par là-bas. Et Perkel, cette année, ont sorti un nouvel album qui s'appelle Forever Perkel. Et donc, sur cet album-là, il y a bien sûr des grosses tunes Oi. Puis, il y a aussi des chansons folk. Donc, la chanson Diamonds. Puis, c'était dur de passer à côté. Puis, c'est pour ça que je crois que c'était la première fois que je vous la fais jouer cette année. Je pense que j'avais pas encore eu le temps de vous la faire découvrir, d'ailleurs, même. Donc c'est ça. Alors on va avoir Flogging Molly avec The Rare Old Time, Perkel et la pièce Diamond, puis nous allons terminer avec une nouvelle pièce de Flogging Molly, en fait une nouvelle réinterprétation d'une chanson traditionnelle irlandaise, la pièce The Irish Rover, chantée par bien des groupes. Je crois que le premier groupe folk punk à l'avoir mis en folk punk a été The Pogues. Il y a bien sûr des Tossers qui l'ont joué, The Maroons et bien d'autres. Puis Dropkick Murphys cette année ont décidé de faire leur propre version. Puis vous jugerez de ce que ça donne, parce que dans le fond, on va finir ce prochain bloc avec ça. Et après ça, Yann Barnick vient de faire son entrée en studio et nous allons avoir justement une entrevue avec Yann Barnick et son nouveau projet acoustique. Donc c'est le titre de son album qui est à saveur très folk. Alors allons-y sans plus tarder avec toutes les bonnes choses que je viens de vous présenter. Et ça commence avec Perkel et la pièce Diamond. Tout ça uniquement à Skypunkia sur les ondes de C'est fou, la radio campus de Trois-Rivières. Stories, heroes of renown, out of chasing tales and glories that once was Dublin town. The hallowed halls and houses, the haunting children's rhymes that once was part of Dublin in the Red Revel times. Ring a ring a rosy, as the light declines, I remember Dublin city in the Red Revel times. Well, my name it is Sean Dempsey. In a house that ceased to be. Betrayed, I was a cooper, lost out to redundancy. Like my house, I felt a progress. My trade's a memory. stand step for work and your man from what's me called Malone. There was Slugger O'Toole who was drunk as a rule and burning Bill Tracy from Dover. Another man, Mick McCann from the banks of the bank, was the skipper of the Irish Rover. Years when the measles broke out, and the ship lost its way in the fog, and that whale of a crew was reduced down to two, just myself and the captain's old dog, and the ship struck the rock. Oh Lord, what a shock! The bulkhead was turned right over, turned 9 times around, and the poor old dog was drowned. Avec Yann Barnick. Yann, teste ton micro pour voir si tu m'entends bien. Un, deux, test. Un, deux, test. Ça va-tu bien? Oui, on t'entend parfaitement. Bonjour à Trois-Rivières et aux environs. Bon, alors, comment ça va, Mr. Barnick? Ça va très bien. Je suis content que tu m'invites à cette soirée de la fête des Irlandais parce que du côté de ma grand-mère maternelle, la charmante Colombe McMurray, j'ai du sang écossais. Et on sait que les Écossais et les Irlandais, elle n'a pas invité au même party. Mais quand même, c'est du sang celtique pareil et j'adore la musique irlandaise et celtique. Un de mes bons bands, c'est d'ailleurs Dropkick Murphys. Ouais, avec Dropkick Murphys, c'est sûr que... On se trompe pas. Non, on se trompe jamais. Excuse-moi, je vais juste placer faites, les tunes comme il faut. Bon, OK. Donc... Alors, aujourd'hui, tu es ici pour nous présenter ton plus récent album qui s'appelle Acoustique. Seul comme un seul homme, brave, je suis venu chez toi. Et oui, c'est ça, mon nouvel album acoustique. J'espère que les gens vont s'amuser à le découvrir. C'est vraiment quelque chose de bien différent de ce que j'ai fait dans le passé. Pour ceux qui me connaissent, au départ, j'étais avec Twister, un band punk rock... style Ramones. Puis par la suite, ça l'avait évolué vers Yannick et les Barnick. Exactement, qui était dans le fond la fin de Twister, on pourrait dire. Ouais. C'était un projet à la fin de Twister. Moi, je n'étais pas satisfait de la manière que ça avait fini. Et j'ai réuni mes deux anciens comparses, Mathieu Clément et Éric Julien, pour faire un album comme dans le bon vieux temps. Et vu que c'est moi qui étais le seul mécène, le seul financier de ce projet-là, donc... Puis qu'à cette époque-là, on chantait juste en français. Moi, je m'étais dit, on va changer le nom du band pour quelque chose de plus comique, un peu qui reflète bien notre personnalité. Ben oui. Et en même temps, francophone, tu sais, bien québécois. Puis ça a accroché. Et les Barnick. Surtout qu'il faut dire qu'en tant que Barnick, on se comprend. Et, effectivement. Et c'est ça, ça a donné lieu à l'album Blabla qui a très bien marché sur les ondes des radios universitaires. Et j'espère que ce nouvel album, bien qu'il soit dans un style complètement autre, complètement autre. Pas tant que ça. Parce qu'il faut dire qu'il y a quand même, comme on se disait tantôt pendant que Dropkick Murphy jouait, il y a quand même comme un rapprochement à faire entre le folk et le punk. Ça, c'est sûr. Parce que sans le folk, il n'y aurait jamais eu le punk. Parce que, veux pas, le punk s'inspire des paroles folk. Ouais, je pense que tu as complètement raison là-dessus. Puis même, moi, j'aime beaucoup le folk des années 50-60, surtout 60 avec Bob Dylan et compagnie. Et c'était beaucoup des protest songs à l'époque. En fait, c'était quasiment... C'était juste ça, d'ailleurs. Oui, puis moi, avec Twister, à l'époque même, j'en faisais de ça, des protest songs. Pas nécessairement politique très beaucoup, mais plutôt des protestations, je dirais, contre la société de surconsommation. C'est surtout là mon cheval de bataille. Moi, je suis un adepte de la simplicité volontaire. Mm-hmm. Ma maman, qui est sûrement à l'écoute, pourrait te le dire que je suis très simpliste volontaire de nature. Et la société dans laquelle on vit est de plus en plus axé sur la surconsommation, et ça m'écœure au plus haut point. Et ma seule manière, moi, de protester contre ça, en plus d'être simpliste volontaire, ben, c'est d'écrire certaines chansons qui sont un peu, justement, contestataires par rapport à ça. Bon. Et sur cet album acoustique, je suis bien fier qu'il y en ait quelques-unes qui se sont glissées là-dedans. Et, donc, justement, si on prend par exemple, on pourrait dire la chanson Maudit Système. Oui, oui. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir. Qu'est-ce que tu veux aussi? Oui. Oui. Oui. Puis ça, c'est des chansons qui sont très dans une veine très punk d'esprit, je dirais. Donc, j'ai arrêté de faire du punk, pour l'instant, en tout cas. Mais le punk en dedans de moi, il n'est pas mort, dans le sens que le contestataire en dedans de Yannick est toujours là. Et l'esprit punk reste toujours présent. Et ça, je crois à ça, moi, que t'as la musique punk et t'as l'esprit punk. Ben et oui. L'esprit punk est toujours là au niveau de la contestation, au niveau d'écrire aussi des paroles et des musiques simples. Ouais, ben d'ailleurs, c'est ce que les membres de Flogging Molly m'ont déjà dit. Ah oui? Justement, quand tu me disais que, Bob Dylan venait les chercher. Ouais. Street Dogs aussi, ouais. en fin de compte, c'était avec Mike McCougan qui chantait d'ailleurs avant pour Dropkick Murphys. Mm-hmm. J'avais demandé c'était quoi ta plus grande influence. Ça a été Bob Dylan tout de suite. Après ça, c'est sûr qu'après ça, t'as eu comme des groupes punk. Ouais. Mais l'influence numéro un, Bob Dylan, dis pourquoi, c'est que, ben, sans ce gars-là qui a fait de la musique contestataire dans le temps, il y en aurait. Bon, OK, on extrapole, mais il aurait peut-être pas eu le punk. Ouais, c'est ça. Puis il était complètement dans un esprit punk, Bob Dylan, parce que c'était pas le plus grand chanteur au monde. Non. Et mais il avait du charisme. Et puis, Il chantait avec ses tripes. Un peu comme Neil Young, d'ailleurs. Neil Young est pareil. J'écoutais un extrait là, de Heart of Gold sur YouTube. C'était écœurant la manière qu'il chante. Il est tout seul à la guitare. Tu sens que ça part des tripes. Mm-hmm. Et moi, j'ai toujours fait une musique qui partait plus des tripes que du cérébral ou, une musique qui est plus peaufinée, je dirais, là, qui a besoin de beaucoup d'instrumentation, beaucoup d'arrangements. T'sais, moi, j'ai tout le temps aimé la simplicité. Simplice volontaire oblige, autant dans la musique que dans la vie. Et donc, ça, c'est pour ça que, d'ailleurs, le punk rock m'a attiré beaucoup, parce que c'était une musique qui était super simple. Ben oui. Et ça, c'est sûr qu'en partant, ça m'a attiré. À la fois, je te dirais, c'est pas une question de talent, le punk. Non. Mais c'est une question d'attitude. Tu l'as ou tu l'as pas, puis d'attitude un peu. Ah oui, d'attitude. Parce qu'on s'entend que les Sex Pistols n'avaient pas de talent. C'est ça. Mais ils ont réussi à aller chercher du monde. Puis t'as des groupes qui ont beaucoup de talent. Exactement. Ben, malheureusement. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, quand c'est trop technique, trop technique, ça peut pas marcher. Alors que du monde qui ont le beat comme dans eux autres. Exactement. Puis moi, je trouve que qu'est-ce qui est de valeur aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de musique qui les bandes se créent obligées de faire beaucoup d'instrumentation, beaucoup d'arrangements, beaucoup d'introduire tel instrument, tel nouveau style. En tout cas, moi, je trouve que souvent, ils mettent beaucoup de crémage sur le gâteau. Oh, ouais, ça vient un peu comme un amalgame d'un peu n'importe quoi. Là. Parce que tu regardes une émission comme celle de Norman Brathwaite, puis tu le vois tout de suite. Quand tu as 14 musiciens sur une scène, que la tourne serait très bonne avec 3 musiciens. Ouais. Moi, ça m'écœure un peu. Ça, d'ailleurs, c'est un des propos qu'un de mes amis me dit souvent. Il me dit, est-ce qu'au début du rock, tu avais un guitariste, un bassiste, un drummer et un chanteur, des fois, qui pouvait juste chanter, ou un des 3 instrumentistes qui chantaient aussi. Mais, tu sais, comme la Rhythm, ils l'ont rajouté, ou la Ligue Guitare, ils l'ont rajouté pourquoi? Bon, il y avait besoin d'un gars qui faisait son show, tu sais. C'est ça. Ben oui, c'est ça. C'est sûr qu'au niveau live, c'est intéressant d'avoir aussi un bon produit. Moi, je pense que je suis un assez showman de nature. Fait que ça, les gens qui m'ont déjà vu sur scène, ils savent à quoi s'en tenir avec moi. Mais c'est sûr que depuis quelques années, depuis que j'ai reformé les Barniques, on pourrait dire, mais c'est tout autre chose que Yannick et les Barniques à l'époque. Ouais. À partir de 2006, le band s'est reformé. Parce que là, j'avais pris un break d'à peu près 3 ans pour faire plus de l'enregistrement, me concentrer à faire des compositions avec un gars de Saint-Alexis qui s'appelle Patrick Hull, puis on avait exploré divers styles, j'aimais bien ça, mais là j'avais le goût de la scène un peu, reformer l'esprit d'un band puis tout ça. Mais c'est sûr qu'au niveau live, on en fait plus gros aujourd'hui, je te dirais, par un peu par fatigue un peu, tu sais, pratiquer à toutes les fins de semaine, puis c'est de l'ouvrage, surtout quand que t'es membre de ton groupe, ils ont leur vie de famille, ils ont d'autres activités, c'est bien difficile. Mais là, présentement, pour votre album acoustique, est-ce que vous prévoyez des spectacles? Parce que là, il faut dire que vous avez fait un produit de qualité. Ben, je te remercie beaucoup. On s'entend que côté son, c'est très bon. Oui, merci. Puis, j'imagine que ça vous a coûté de l'argent, cette affaire-là. Parce qu'il faut vous dire que dans l'esprit punk, t'as beau faire du folk ou n'importe quoi, quand ça vient de toi, ça vient comme de tes économies. Là. Oui, ça, c'est sûr. Mettons que j'ai gratté mes fonds de tiroir avec ça. Mais encore là, pour le projet, pour les Barniques, dans le fond, je suis le seul financier du band. C'est Yannick encore et les Barniques. Mais là, j'ai décidé d'enlever Yannick par un peu pour pas faire trop prétentieux. Ouais. J'aimais mieux faire Esprit de Band, juste les Barniques. Là, je trouvais que le nom était suffisant. Pour cet album-là, c'est sûr qu'on a mis plus d'efforts. Je voulais quelque chose, un produit. Dans le fond, je voulais rendre crédit à ces chansons-là. Je voulais lui donner la possibilité de sonner le mieux possible. Et je dois remercier à l'antenne Ghislain Haché qui a été le soundman. FX Studio, lui, il a son petit studio dans le sous-sol chez lui, puis il fait un excellent travail. En tout cas, t'as pu t'en rendre compte en écoutant l'album. Je dois le remercier parce qu'il a compris ce que je voulais. On a travaillé fort, moi puis lui, en studio. Les autres membres du groupe aussi ont travaillé fort, mais c'est surtout moi puis Justin au niveau du mixage qu'on a travaillé puis retravaillé. Mais je pense qu'au bout de la ligne, à un moment donné dans le projet, on a comme trouvé le son. Puis là, c'était parti. Là, je chantais qu'on a droppé un peu la bass, un petit peu moins de bass. Et on a arrangé ça. Là, je pense qu'on avait trouvé notre son, on avait trouvé notre ligne directrice, puis on s'en est tenu. On a travaillé aussi beaucoup pour les effets sonores pour la voix de Stéphane, qui est Stéphane Chevalier, le chanteur. Oui. D'ailleurs, si tu me permets, je vais quand même en profiter pour saluer les gars de mon band. Ben oui, il faudrait. Il y a moi, Yannick Clément, qui est à la guitare, puis qui chante un peu sur l'album, mais je dois saluer Stéphane Chevalier, qui est le chanteur lead du band, guitariste lead aussi. Il a fait des excellentes guitares sur cet album-là. Stéphane, cet album-là repose beaucoup sur ses épaules, je trouve, au niveau des mélodies. Puis je pense qu'il a rendu crédit à mes chansons. Autrement dit, il a bien aimé mes chansons, je pense. Ça lui a permis d'être motivé vraiment et de développer des belles mélodies. Après ça, tu as Gilles Bruno, un nouveau drummer pour l'album. C'est un gars de Saint-Alexis-des-Monts, un excellent drummer. Donc, c'est un gars de ton ancien patelin, c'est ça? Oui, c'est ça, de Saint-Alexis-des-Monts. Ouais. Est-ce que vous jouez encore cet été au festival? Oui, c'est ça. Tu me demandais la question si on avait des shows prévus. Étant donné que, comme je te disais, là, c'est plus mollo, c'est chaud depuis que j'ai reformé les Barniques parce que je veux plus trop courir les shows. Puis c'est de l'effort, chercher des shows puis pratiquer à toutes les fins de semaine. C'est beaucoup d'effort. Fait qu'à cette heure, un ou deux shows par année, moi, je n'ai bien correct. Puis c'est ça, à chaque été, on joue tout le temps un petit show au village. Mais ça doit Saint-Alexis. Être dur, faire deux, trois shows, c'est vous tenir. On pratique quelques semaines avant le show. Okay. Mais c'est à peu près tout. Là, fait que c'est sûr que des fois, la scène peut me manquer. Mais moins qu'avant, je te dirais. J'aime beaucoup plus l'enregistrement aujourd'hui que la scène. Bien que j'adore la scène parce que je suis quand même de showman pas mal. Fait que c'est ça, cet été, fin juillet ou début août, il y a deux fins de semaine de spectacle à Saint-Alexis. Je ne sais pas encore la date. Mais on va être là, puis on va sûrement interpréter trois ou quatre chansons de cet album-là avec beaucoup de covers, je te dirais, de folk américain et de vieux country aussi, Johnny Cash et tout ça. Puis j'en profite aussi pour terminer au niveau des membres du groupe, saluer Normand Dionne, le bassiste qui a fait un excellent travail sur cet album-là. Normand qui est un top bassiste écœurant. Fait que j'étais entouré de très bons musiciens et ça paraît parce que le rendu, le fini est très bon, je trouve. En tout cas, à mon oreille, à moi, c'est un des, sinon le meilleur album que j'ai fait dans ma vie. Puis je dois beaucoup rendre crédit à ces trois gars-là. J'avais des bons musiciens avec moi. Puis ça, c'est la recette gagnante aussi. T'as beau avoir des bonnes compositions. Pour enregistrer, ça te prend aussi des bons musiciens et un bon son même. Puis là, la recette était là. On avait tous les ingrédients. Puis je pense que le produit parle de lui-même. Ben oui. Hey, j'aimerais ça que tu me parles de tes tunes. Donc, si on va à la chanson, tout d'abord, vous commencez avec « Je veux rentrer chez nous ». Oui. Ça parle de quoi, ça, « Je veux rentrer chez nous »? « Je veux rentrer chez nous », c'est une chanson très introspective, je te dirais. Une chanson qui parle, je pense, ça parle de ma vie. tout en partant, là, beaucoup de chansons, moi, part de mes expériences personnelles. Mm-hmm. Et c'est une chanson que je dédie particulièrement à tous ceux qui ont des problèmes de dépendance dans la vie. Peu importe le style de dépendance, que ce soit le sexe, la drogue, la bouffe, name it, l'alcool, n'importe quoi. Je pense qu'ils peuvent se reconnaître dans cette chanson-là. Et ça parle d'expérience personnelle. C'est une toune très introspective, mais que je pense peut rejoindre beaucoup de gens à cause de ça. Hey, le temps file. Oui, malheureusement. Donc, c'est ça, je viens de voir. les tounes qu'on va entendre, ça sera... Toujours debout. Oui. En fait, avant ça, on va avoir au Québec. On est frileux. Oui. Après ça, toujours debout et puis merci, bonsoir. Oui. Pourrais-tu qu'on parle un peu de ces trois tunes? Ouais, en une minute. Es-tu capable? Ouais. Au Québec, on est frileux. Certains pourraient penser que c'est une chanson très politique, mais c'est plutôt un protestant face aux Québécois moyens. Ok. Que je trouve tellement mou et pas d'opinion et pas de colonne. C'est vraiment une tune par rapport à ça. J'espère que le monde va bien aimer ça. C'est une tune un petit peu accent country, un petit peu au niveau du drum et tout ça. Après ça, t'as Toujours Debout, qui était une chanson, la chanson thème de l'album Toujours Debout de Twister de 2001. Oui. T'as fait un beau choix, là, parce que c'était, ben oui. C'est une chanson, ça me permet de dire que sur cet album-là, il y a quelques chansons qui datent de l'époque Twister, mais plusieurs de ces tunes-là, comme au Québec d'ailleurs, avaient été composées à l'époque, mais avaient jamais été enregistrées. Et donc, ça m'a permis de les sortir dans un autre style différent. C'était bien intéressant, ça. Toujours Debout, ça, c'est une tune qui parle d'une copine que j'avais à l'époque, mais qu'elle voulait seulement rester bonne amie. Et malheureusement, moi, j'avais d'autres feelings. Fait que ça a donné une bonne chanson au moins. Je la salue d'ailleurs. Si elle est à l'écoute, René Claude, je te salue. mais en tout cas, ça a été une bonne inspiration pour une bonne chanson. Ça a été une de mes premières chansons acoustique, ça. Ah oui? Oui, j'ai composé ça vraiment dans un style acoustique, même à l'époque Twister. Dans le temps. À l'époque Twister, Et puis pour Merci, bonsoir. Oui, Merci, bonsoir. Ça, c'est une toune aussi qui date de l'époque Twister, qui avait été composée. C'est étonnant quand même. Étonnant, hein? Ça avait été composé dans un style très Twister, trois accords très, très agressifs. C'est un protest-song, mais qui a évolué au fil du temps, et surtout au niveau des paroles. Et la musique, bien sûr. J'ai réadapté la musique. Mais au niveau des paroles aussi, j'ai retravaillé les paroles. C'est ça, que c'est vraiment plus comme axé sur ce qui se passe politiquement de nos jours. Oui. Et on voit, c'est un peu, à moins que je me trompe, on dirait que c'est une image sombre de ce que l'humanité est en train de devenir un peu. Ouais. Puis comme j'aime à dire par rapport à cette chanson-là, je pourrais dire ceci, c'est que dans le fond, elle offre une solution face à la société moderne qui est peu conventionnelle et qu'on n'entend pas souvent, c'est-à-dire la fuite. La fuite. Fait que, tu sais, c'est comme merci, bonsoir, moi, je m'en vais de cette société-là. Mais il y a plusieurs manières de quitter la société. Ouais. Tu n'es pas obligé d'aller en Afrique pour ça. Tu peux rester au Québec et tomber à côté de cette société et être dans la marge, comme on dit. T'sais. C'est une autre manière de fuir. Et moi, dans ma vie, ben c'est un peu ça que je fais face à cette société. Je trouve que la meilleure solution, c'est la fuite à quelque part. Pour ma part, c'est de m'éloigner de cette société-là le plus possible. Tu me verras rarement au centre d'achat, en tout cas. Alors, on se laisse avec tout ça, avec Au Québec, on est frileux, ainsi que Toujours Debout. Pour Merci, bonsoir, ben là, je vais vous dire, allez sur... voyons. Le site web, tu veux dire? Oui, allez sur mon site web. Ouais. Et vous allez, ben, mon site web, c'est pas vraiment mon site web. Mais allez sur archive.org, donc archive.org sans S, dans le archive.org, et tapez Skypunka, ou sinon, allez faire un tour sur C'est fou, le lien est là directement. Car je crois qu'on n'aura pas le temps de les faire jouer les trois. Mais toujours est-il que ça va jouer en fin de semaine. Alors, merci tout le monde. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission de Skypunka. Merci à Yann Barnick. Merci, et ils peuvent toujours consulter mon site web, www.yannmusic.com. Yeah, bien placé. Alors, salut tout le monde, bye bye, et à la semaine prochaine, et puis, oubliez pas, ça sent pas, donc, sous les voix à soir. J'en peux plus, et puis je deviens. tes yeux, ta bouche, tes seins. Et tes yeux, ta bouche, tes seins. Oh oui, tes yeux. Mais malgré tout, oui, malgré tout, j'suis toujours debout. On prend position. ça va nous prendre pour qu'on se réveille tous ensemble. Je sais pas, non, je sais pas. Tout ce que je peux faire, c'est attendre. Na na na na na na na. Au Québec, on est frileux. Na na na na na na na. Au Québec, on est frileux. Na na na na na na na. Au Québec, on est frileux. Na na na na na na na. Au Québec, on est frileux. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Bonsoir. Oui, enfin.